Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Sorti en 1969, L'enfance nue est le premier long métrage de Maurice Pialat. Le film d'un débutant qui aura dû attendre ses 43 ans avant d'entrer dans la carrière, quand ses collègues et cadets de la Nouvelle Vague étaient déjà depuis longtemps des cinéastes reconnus. Coproducteur de L'enfance nue avec Mac Baudard et Claude Berry, François Truffaut joua d'ailleurs de l'influence qui était déjà la sienne à la fin des années 60 pour que ce film existe. Récompensé du prix Jean Vigo de l'année 69 et salué par une grande partie de la critique, L'enfance nue, qui fut un échec public à sa sortie, est aujourd'hui régulièrement cité par des cinéastes du monde entier comme l'un des plus beaux films du cinéma français. Une beauté qui n'avait pas échappé à Philippe Hainaut et Jean Mitry, qui recevaient Maurice Pialat sur France Culture quelques semaines après la sortie du film. Avec lui, il tentait de comprendre ce rendez-vous manqué avec le public et interrogeait le cinéaste sur la manière dont il s'y était pris pour donner de tels accents de vérité à son film, première pierre qui contenait déjà tout de l'œuvre cinématographique considérable qu'allait bâtir Maurice Pialat. Une émission dans laquelle Claude Chabrol venait dire en passant le bien immense qu'il pensait du film et où l'on entendait aussi le jeune Bertrand Tavernier, alors encore attaché de presse, ainsi que le critique Jean-Paul Toroc. Connaître le cinéma par Philippe Hainaut et Jean Mitry. Aujourd'hui, L'enfance nue de Maurice Pialat. Nous sommes toujours un peu peinés lorsqu'un film de réelle valeur ne trouve pas l'audience qu'il mérite, surtout s'il s'agit du premier long métrage d'un cinéaste de 44 ans, comme c'est le cas de Maurice Pialat avec L'enfance nue. Mais si nous avons décidé de consacrer toute notre émission à L'enfance nue de Maurice Pialat, c'est surtout que cette œuvre est exceptionnelle dans le climat habituel du cinéma français. C'est une œuvre qui rompt avec des routines, avec des conventions. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de vous soumettre ce cas. On reproche très souvent au cinéma français de ne nous montrer que Paris, que des milieux bourgeois, des personnages peu reluisants, peu sympathiques, et de nous entraîner dans une fiction irréaliste. Le film de Maurice Pialat nous présente plusieurs visages de l'enfance. Il nous présente des milieux réels, milieux petits bourgeois, de mineurs, d'artisans. Et il nous présente la France réelle, c'est-à-dire la province. Il y a, si je puis dire, un cinéma légal, un cinéma officiel, et puis il y a un pays réel. Il y a un cinéma réel, et c'est, je crois, le grand mérite de Maurice Pialat que de nous montrer cette France vivante, loin de Paris et loin des idées qu'on s'en fait. Je voudrais tout d'abord donner la parole à Bertrand Tavernier, qui est attaché de presse et qui n'a pas été l'attaché de presse de ce film, pour lui demander, à propos de ses rapports des films avec leur public, comment se fait un lancement et comment doit-il se faire aujourd'hui pour qu'un film de valeur trouve son chemin auprès du public. Bien, ça dépend évidemment du genre de film. En principe, quand c'est un film, disons, de débutant, puisque Pialat, il faut bien l'appeler un débutant, bien qu'il ait fait des courts-métrages. Moi, je me souviens avoir vu un court-métrage de lui qui s'appelle « L'amour existe », que j'avais trouvé remarquable. Pour lancer un film débutant, il faut jouer beaucoup sur la presse, essentiellement sur la critique. Et là, je dois dire, dans le cas du film de Pialat, la presse a été négative. C'est-à-dire que les articles ont été très favorables, mais soit que les critiques n'ont pas su comment prendre le film, soit qu'ils ne l'ont pas senti, soit qu'ils n'ont pas su l'analyser, la façon dont ils l'ont loué se révèle presque mauvaise par rapport au film. Par exemple, les gens ont parlé de films extrêmement tristes ou de films magnifiques, bouleversants, mais très graves et austères. Et ce genre d'éloge est plus néfaste même qu'une critique extrêmement sévère. Oui, alors qu'il y a des passages très savoureux. Personnellement, quand j'ai vu le film, après avoir lu plusieurs articles, j'étais très surpris. J'ai vu un film complètement différent du film qui avait été décrit par les critiques. C'est un film qui est souvent très amusant. C'est un film surtout, et là, il y a peu de gens qui l'ont noté, ça. C'est un film surtout dont le dialogue est extraordinaire. Je trouve que c'est un film où l'on entend le français le plus savoureux, le plus amusant, le plus riche, le plus concret... depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue, c'est parler. Oui. C'est un film français parlé, ce qui est extrêmement rare. Ah. Mais enfin, nous anticipons. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que nous sommes tellement conditionnés aujourd'hui que même la date de sortie d'un film, le circuit dans lequel il sort, la façon dont est conçue la publicité, le conditionnement du public aussi lorsqu'il s'agit d'un film sans vedette, Bien sûr, quand tout cela ne compte pas. Bien sûr, évidemment, si vous avez un film, mettons, si vous avez un film avec Alain Delon comme La Piscine, qui est d'ailleurs un excellent film, mais si vous avez ça, évidemment, vous avez un style de lancement qui est complètement différent. On doit trouver un autre ton, tout en jouant également sur les qualités du metteur en scène, de Deray, mais évidemment, dans le cas d'un film sans vedette, c'est extrêmement, extrêmement difficile d'accrocher le public. Parce que, il n'y a pas de doute, en même temps, le public a une méfiance. Parce que le public maintenant est rodé à une certaine forme de spectacle qui est soit, disons, le film commercial type, soit le spectacle intellectuel type. Alors, d'un côté, soit il va voir donc un film de Godard en sachant ce qu'il va voir, en sachant qu'il y va pour s'exaspérer, d'ailleurs très confortablement, ou pour adorer tout aussi confortablement, ou il va voir La Grande Vadrouille pour rire toujours confortablement. Mais quand un film se trouve entre ces deux chaises, alors là, le problème devient très difficile. Parce que, et à mon avis, essentiellement aux journalistes de remplir un rôle créateur, là, non seulement de dépasser le stade de la critique, c'est-à-dire d'essayer non seulement d'analyser le film et de dire qu'il est beau, mais d'essayer de faire œuvre de journaliste. C'est-à-dire, bon, on prend un exemple d'un journaliste qui a été très décrié, qui est le cas de Cournot, mais Cournot, à certains moments dans l'Observateur, faisait œuvre de journaliste, c'est-à-dire qu'il revenait quatre fois sur un film qu'il aimait. C'est-à-dire qu'il trouvait une astuce, un moyen de se battre. Et il y a par moment un fonctionnariat de la critique qui est gênant par rapport au film qui est entre deux chaises. C'est-à-dire, Théorème, les gens l'analysent tout de suite. Parce que, étant donné que Pasolini leur a dit que c'était un film à la fois marxiste et chrétien, alors tout le monde l'analysera en disant que c'est un film marxiste et chrétien. Mais un film qui est sur ce problème, qui est fait sur la sensibilité, qui ne correspond à aucune grille intellectuelle, à aucune étiquette, donc on ne peut pas dire que c'est un film gauchiste, on ne peut pas dire que c'est un film politique, on ne peut pas dire que c'est un film social, on ne peut pas dire que c'est un film de nouveau cinéma, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Je pense aussi qu'il sort beaucoup trop de choses et que très souvent les critiques n'ont pas beaucoup le temps, et puis ils suivent aussi plus ou moins la mode. Comment expliquez-vous, vous, Jean-Paul Terreuc, qu'avec une excellente presse, le public ne court pas voir ce film ? Je sais pas, je crois que le public est conditionné par la manière finalement dont évolue le cinéma. Je crois qu'il y a effectivement actuellement deux cinémas, et il y a deux circuits, et il y a deux publics. Pour revenir à ce que disait Tavernier tout à l'heure, il y a effectivement un cinéma populaire, et il y a de plus en plus un cinéma art et essai, etc. Et ça, je veux revenir là-dessus parce que c'est important, je crois que le public art et essai recherche dans le cinéma intellectuel une forme d'évasion semblable à celle que recherche le public populaire. Il y a une espèce d'évasion dans le problème philosophique, dans le problème politique, et d'ailleurs je donne tous ces adjectifs entre guillemets, mais c'est une forme d'évasion finalement qui le détourne de la vie réelle et de leur attitude devant la vie réelle. Alors je crois que le film de Piala est un film qui ne met pas les gens en face d'un problème, mais qui les met en face d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il leur demande de prendre des responsabilités immédiates. Justement, c'est un film qui ne pose pas de problème, c'est-à-dire c'est un film qui, du moins apparemment, n'est pas un film de révolte, qui ne dit pas, vous voyez, ça c'est absolument ignoble, faut faire quelque chose pour changer ça. Au contraire, c'est un film qui montre finalement les choses telles qu'elles se passent, qui montre des gens qui font tout ce qu'ils peuvent dans leur domaine, et finalement les choses se passent comme ça, et il y a effectivement un côté assez désespéré, assez noir dans le film, qui est d'ailleurs sauvé par autre chose, parce qu'il y a énormément de tendresse, énormément d'optimisme. Mais il n'y a pas de solution au problème, du moins qui est donné comme ça, et le public n'aime pas ça. Oui, Maurice Pialla, avez-vous eu au départ l'intention, le parti pris de rompre avec le cinéma officiel, ou est-ce le sujet qui vous tenait particulièrement à cœur et qui vous a entraîné? Non, je pense que j'ai le parti pris de rompre avec le cinéma officiel. Je crois que je l'ai depuis que je cherche à faire du cinéma, depuis près de 10 ans, et évidemment ça se sentait moins dans les courts-métrages que j'avais réalisés jusqu'à présent, mais c'est manifeste. Par exemple, je n'ai pas attendu, puisque on se fait souvent dans ce métier couper l'herbe sous le pied quand on reste longtemps sans travailler, mais je n'ai pas attendu que ça devienne, pas exactement une mode, mais enfin maintenant c'est une écriture qui est admise. Mais il y a dans ce film une écriture qui est pourtant très visible, mais là encore personne ne l'a remarqué. Par exemple, le refus presque systématique du contre-champ. C'est-à-dire que j'ai tendance à toujours tourner les scènes en une prise. Vous avez un parti pris, oui, du plan fixe. Oui, j'ai le parti pris du plan fixe, mais pas seulement le parti pris du plan fixe. Je pense que c'est quand même pas possible de faire un film. C'est un retour à Lumière qui m'a surtout beaucoup frappé quand j'ai vu tous les films de Lumière de séance à la Cinémathèque il y a 4 ou 5 ans. Et oui, mais enfin, je ne pourrais pas me tenir à faire des plans fixes comme ça pendant tout un film. C'est, je crois, absolument impossible et réalisable. Mais l'exiguïté des décors, le manque de moyens techniques m'ont conduit à peut-être insister beaucoup sur cette façon de faire, mais que j'espère que je le ferai d'une façon plus souple. Puis enfin, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à cela. Mais il me semble que c'est parfaitement justifié, en ce sens que le mérite a été souligné par plusieurs confrères. Vous avez, lorsque ces scènes sont prises en plan fixe, un art du choix de l'angle qui est tout à fait remarquable. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles au cinéma, que de choisir le bon angle sous lequel saisir la scène et les personnages. Et je crois que là, vous y avez réussi. Je sais que d'autres réalisateurs l'ont fait. Je sais que Rossellini, par exemple, a été un des premiers à refuser à peu près le gros plan et ne même pas se donner la sécurité de tourner. Et rapidement, dans le tournage du film, c'est-à-dire qu'il y a une frontière très nette, il y a une première semaine qui était tournée comme ci, comme ça, et ça se sent très nettement dans le film. Mais après, j'ai pris mon rythme, puis je n'avais plus rien à perdre. J'ai été encore plus audacieux peut-être que je l'aurais voulu, et j'ai pris le parti de continuer comme ça, si bien que quand je tournais une scène, je ne prenais absolument aucune sécurité. C'est-à-dire que si ça n'avait pas collé au montage, parce que c'était très dangereux au point de vue rythme, je n'avais rien pour le remplacer. On ne m'avait pas dit une chose essentielle, qui d'ailleurs peut être discutée, c'est que votre film est en couleur. Or, il y a un choix de la couleur, il y a un emploi de la couleur, qui tout de même est primordial, n'est-ce pas? C'est un film certainement en partie improvisé, il y a une partie de saisie du réel en mouvement, bien sûr, mais il y a aussi une part volontaire, il y a des partis pris, et il y a des jeux de couleurs, il y a des rapports de couleurs, surtout dans ce décor gris du bassin minier, dans ces intérieurs bien propres. On retrouve la propreté du Nord, le côté petit bourgeois dans l'ameublement, les chromos au mur, etc. Tout ça qui est très vrai, très, très, très touchant de justesse, eh bien, tout cela est créé aussi avec une palette des éléments de couleur qui auraient dû être assez soulignés. Je reviens quand même au sujet, parce que c'est ça peut-être qui préoccupe le plus l'auditeur. On a dit, en simplifiant beaucoup, je crois, encore un film sur l'enfance malheureuse, inadaptée. Le héros, le petit François, a 10 ans. Il est difficile. L'assistance publique est obligée de le changer de foyer. Il arrive dans des milieux où il n'est pas toujours très bien compris. On le questionne tout le temps. On ne le comprend pas toujours. Et il y a une sorte de révolte et, certains disent, d'éléments pathologiques. Moi, j'oserais avancer, je ne sais pas ce que vous en pensez, que c'est un film qui donne beaucoup plus. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que non seulement c'est vu avec une totale objectivité, une objectivité qui est juste et qui n'empêche pas la tendresse, mais sans sentimentalité, c'est un tableau non seulement de l'enfance inadaptée, malheureuse, mais c'est un tableau de l'enfance tout court. Par exemple, cette poursuite, cette façon dont on a de chasser les animaux, de se bagarrer, de jouer ensemble, ses secrets, etc. Il me semble que c'est l'enfance. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'il y a quand même un aspect très particulier dans le film, qui donne d'ailleurs au film son élément tragique, c'est que l'enfant est condamné dès le départ. Il est dans une situation extrêmement spéciale, il est condamné dès le départ parce que ses parents l'ont abandonné. Il est en transit. Il n'est jamais accueilli dans un foyer. Parce que ce n'est pas possible, oui. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de solution. Il ne peut pas prendre racine. C'est-à-dire, malgré tout ce que pourront faire les pédagogues, malgré les efforts que font ces gens, qui finalement font de grands efforts, avec leurs moyens qui sont limités, bien sûr, mais enfin, ils essaient de lui donner de l'affection, etc. Oui, de manière très extraordinaire. C'est une immense bonne volonté. Là, je ne sais pas si vous ne touchez pas vraiment du doigt la... On peut parler de répugnance, je crois, du public à aller voir ce film, parce que le film n'est pas désespéré, mais si je peux me permettre, il y a une espèce de désespérance du sujet, hein, parce que c'est traiter un sujet où, comme vous le dites, il n'y a pas de solution. Et tout le monde le sait, les spécialistes, les pédagogues, les psychiatres sont les premiers à le dire, il n'y a pas de solution et ils ne sont pas prêts de... Il n'y a pas les rattrapages habituels, c'est-à-dire que le gosse n'est pas joli, il n'est pas gentil... et on ne voit pas l'adoption se faire tranquillement à la fin. Il y a des gens, par exemple, qui regrettent votre fin ouverte. Le gosse écrit, n'est-ce pas? Il est dans un centre d'observation. Oui, mais il écrit. De toute façon, on ne sait pas comment ça va se terminer. La fin, qu'elle soit ambiguë, d'ailleurs, je pense qu'elle ne l'est pas. Je crois tout le monde, enfin presque tous les spectateurs, pensent que l'enfant va revenir, mais ça, c'est pas une solution. C'est pas sûr. De toute façon, c'est pas une solution, mais qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il restera ce qu'il est depuis les traumatismes de la prime enfance. Il y a des choses qui sont très dures. Tous ces éducateurs, ces gens de l'assistance publique, ce sont des gens de bonne volonté. On a l'impression qu'ils font leur travail bien, qu'ils l'ont bien consciencieusement. Et ils arrivent à agir de manière atroce. Ils arrivent à afficher les enfants. Ça m'a fait penser, enfin, assez bizarrement, à la case de l'oncle Tom, à certains moments, quand il les donne aux familles. Ils les donnent, ils choisissent, les familles discutent. Nous, on veut pas un noir, nous, on voudrait celui-là. Il y a une espèce, un côté marché qui est terrible dans ce film. Mais comment peut-on le remplacer? Et c'est d'autant plus terrible que ça vient de gens qui sont de bonne volonté, qui sont pris dans la logique d'un système, une logique qui fait qu'ils sont forcés de se conduire comme ça. Oui, et d'un système qu'on peut difficilement changer parce qu'on ne voit pas ce qu'on peut mettre à la place. Sinon, peut-être accorder plus de crédit, mais même, c'est pas ça qui Parce que jusqu'ici, on considère le problème essentiellement comme social. Oui. Et dans votre film, il est beaucoup plus psychologique. Les deux sont liés. Les deux sont liés, bien entendu. Il y a quelque chose, moi, qui me paraît extraordinaire dans ce film, extraordinaire au sens vrai, littéral du terme, c'est les rapports entre ce gosse qui est une énigme, qui n'est pas beau, qui est insupportable, renfermé, traumatisé sans doute, et cette vieille grand-mère qui va mourir d'ailleurs et qui vit dans sa chambre enfermée, qui est très drôle, très émouvante, et l'espèce de connivence, de complicité qui se crée entre ces deux êtres. Et là, on a l'impression pour la première fois qu'il va prendre racine, qu'il a adopté, car c'est lui qui adopte, qu'il a adopté une grand-mère. Et il est très touché, c'est la seule fois où vraiment on est sûr de son émotion, il est très touché de la mort de cette vieille grand-mère, et vous rappelez le plan où la femme lui dit « ne reste pas là », n'est-ce pas? Oui, mais ça c'est bizarre, parce qu'on a l'impression que l'enfant, par rapport aux adultes, est finalement beaucoup plus loin, qu'il les juge, qu'il est plus intelligent. On a très souvent cette impression. Et le seul personnage qu'il rencontre, qui est à sa hauteur, c'est la grand-mère, qui a une noblesse... que n'ont absolument pas les autres personnages. Oh, je suis pas d'accord. Je trouve que le couple devient le pépère et mémère. Ils sont très très sympathiques. Ils dépassent ce que ça. Ils ont une sorte d'intuition, de sentiment que je trouve moi presque vraiment miraculeuse. Quels étaient les rapports avec l'enfant entre le metteur en scène et l'enfant pendant le tournage? Ils n'ont pratiquement pas existé. Jamais j'ai réussi à accrocher. Je crois que je me suis conduit exactement avec lui et sans préméditation. Comme les autres, même pire, puisque ceux qui l'hébergent se conduisent mieux que moi, je me suis conduit avec lui. Comment avez-vous choisi vos gosses, surtout celui-là, François et Raoul, l'autre un peu plus âgé? Celui-là, je l'avais choisi en second. J'avais trouvé un gosse qui était extraordinaire et qui, lui, alors aurait vraiment... me ramener à tourner un tout autre film. C'est-à-dire que le retrait que l'on remarque, c'est voulu, mais parce que avec cet enfant-là, je crois que je ne pouvais pas faire autrement. Et lui correspond assez bien à certains types d'enfants. D'ailleurs, on voit bien ce qu'il fait dans le film. On le retrouve assez souvent parmi ces enfants-là. Mais ce serait tout de même intéressant de revenir à la façon dont vous avez travaillé, n'est-ce pas, pour choisir ce sujet et le réaliser, surtout avec des gens sur place, dans de véritables familles, avec essentiellement des acteurs non professionnels, je crois, des interprètes réels. Comment avez-vous fait et quelle idée aviez-vous? Quel était votre propos? Je n'ai pas recherché systématiquement des acteurs non professionnels, puisque quelques jours, quelques jours avant mon premier temps de manivelle, j'avais encore des contacts avec des comédiens professionnels. Vous comprendrez rapidement, quand vous connaissez la distribution du film, ça je peux peut-être le dire dans l'émission, ce sont généralement des gens âgés. Enfin, il n'y a pas un registre très large dans le cinéma français pour trouver des comédiens pour distribuer, surtout pour des rôles très importants, de grands rôles. Et j'ai rencontré mes interprètes principaux, là, ce couple, là, de... Surtout le couple, là, j'ai le deuxième couple. Et vraiment, après quelques entretiens avec ces gens que je connaissais déjà depuis plusieurs années, mais sur ce plan-là, je les avais complètement oubliés, puis j'avais jamais imaginé qu'ils puissent jouer dans le film. Ça m'a sauté aux yeux, ça m'a paru évident que ces gens-là étaient des comédiens nés et que je pouvais tenter le coup de faire le film avec eux, et j'ai pris le risque. En fait, c'était un assez gros risque, puisque l'homme en particulier a été traumatisé par la guerre, il a une surdité nerveuse, et il était absolument incapable d'articuler une phrase quand j'ai commencé mon tournage. À la fin, ça allait mieux, et je regrette d'ailleurs, parce que j'aurais pu en tirer profit. Vous les laissiez improviser ou il y avait des choses qui étaient écrites? Non, c'est ça. J'en ai été même le premier surpris parce que c'est seulement après que j'ai fait une sorte de bilan. Et d'ailleurs, ceux qui ont lu le scénario avant sont frappés quand ils voient le film, à quel point le film est proche du scénario qui lui était écrit plusieurs années. Si vous voulez, la proportion de scènes au canevas et improvisées, c'est de l'ordre de 20-25%. Pas plus, oui. Justement, c'est ce qui... peut-être dérouter un peu, risque de dérouter le public, c'est ce jeu extrêmement subtil entre le reportage, entre le cinéma direct et ce qu'il faut quand même appeler une certaine fiction, une certaine dramatisation qui est réintroduite par la mise en scène. Il y a des gens qui disent que c'est un documentaire, il faudrait s'expliquer tout de suite. Ça ne l'est pas, ne serait-ce que simplement par l'invention qu'il y a continuellement dans les gestes. Enfin, ça dépasse même le niveau du réalisme. Au premier plan, c'est extrêmement réaliste, et extrêmement juste, et extrêmement fin, et je dois dire très émouvant. Et je répète, parce que c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un film austère, c'est qu'il y a des choses qui sont très drôles et très amusantes. Mais après, ça dépasse ce chose. Il y a petit à petit, il y a une sorte de regard, de morale qui est porté à tout. Moi, je pense à une certaine catégorie de films, que ça retrouve un peu une certaine catégorie de films de l'avant-guerre, un petit peu du cinéma français, ou un peu de l'après-guerre. C'est-à-dire un genre de film où souvent, par le biais, quelquefois d'un roman de Simenon, on s'introduisait un petit peu dans la province française. Et ça, c'est une chose depuis les années 52-53, même un peu bien, c'est une chose qui a petit à petit a disparu du cinéma français. Ce n'est pas parce que c'est le public populaire, justement, qui se retrouvait avant-guerre dans ce genre de film, où effectivement, il y avait le repas de mariage. Enfin, il y avait le repas de mariage, il y avait les milieux petits bourgeois. Non, c'est parce que la nouvelle vague ne connaît que Paris. Oui, mais est-ce que... Et que les milieux bourgeois de Paris... Et que les milieux bourgeois... Et alors, moi j'ai pensé à un moment au roman de Guillou, à cet aspect-là, toute chose qui existe très fort dans la littérature et qui existait dans le cinéma français, et qui n'est pas du tout du documentaire. C'est la même chose de dire La Maison du Peuple de Guillou, ce n'est pas un reportage non plus, c'est une... Moi j'ai eu deux étonnements, vous voyez. Le premier, c'est cette rupture avec un cinéma conventionnel dans ses structures esthétiques. Et le deuxième étonnement que j'ai eu, au cœur du film, ça a été de retrouver des grandes traditions françaises de notre grand artisanat cinématographique qui ont été bafouées ou complètement oubliées. Mmh. Et par exemple, ces scènes de genre dont parlait Tavernier, elles y sont. Mais on pourrait vous citer pour chacune de ces scènes de genre tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'elles évoquent. N'est-ce pas, ce repas de mariage est une des magnifiques traditions du cinéma français artisanal. La scène de 14 juillet, la scène de repas de communion, la scène de fête populaire, la scène de la chanson, par exemple. Il y a un montage extraordinaire à faire du cinéma français. Oui, c'est-à-dire on nous montre une France qui est absolument à contre-courant de l'image que la France actuelle veut donner d'elle-même. Il y a à la fois, si vous voulez, la découverte ou la redécouverte de la France réelle, et à travers une image cinématographique qui était abandonnée. Oui, on a fait la comparaison avec Farbik. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup Rouquier, mais ce n'est pas peut-être Farbik que je préfère de lui. C'est un film d'abord très esthétisant, très influencé. Enfin, il y a une séquence entière qui vient directement de Dreyer. Et puis, il y a des paysans qui étaient des vrais paysans, mais qui ne jouaient pas, qui se contentait d'être, enfin, au même titre qu'une brouette ou un râteau. Ou alors, je déforme beaucoup et je suis peut-être très sévère, mais je pense que la comparaison s'arrête là. Il ne les a pas fait jouer. Ne l'a-t-il pas pu ou l'a-t-il pas voulu, mais il ne les a pas fait jouer. Vous avez quand même travaillé avec une équipe très réduite, un matériel léger, et vous avez dû certainement apprivoiser aussi vos acteurs non professionnels au début. Non, jamais. Le tournage a été long à cause des techniciens. Ça, il y aurait aussi quelque chose à dire des techniciens du cinéma français. Oui. Mais je pense que c'est pas le propos aujourd'hui. Mais nous avons filmé assez lentement à cause des techniciens, et je crois ne jamais avoir perdu une minute à cause de ces gens-là qui ont d'emblée été. Ce que je vous disais tout à l'heure, je les ai toujours considérés comme des professionnels, et dès la première prise, de cette Madame Thierry, elle a joué comme beaucoup de professionnels aimeraient jouer, c'est-à-dire elle a filé une scène de 4 minutes avec des silences et tout, et on n'a pas fait de seconde prise, elle a fait une prise. Par contre, toute la semaine suivante, elle était complètement cassée parce qu'il n'y avait pas moyen que les techniciens se plie non pas à son jeu, elle faisait absolument ce que je voulais, mais il fallait quand même une certaine interprétation. Nous tournions dans des locaux exigus et finalement ça a été dramatique puisqu'il a fallu que je me sépare de l'équipe que j'avais. Vraiment pour moi, ils ont toujours été des professionnels. Vous les connaissiez tout de même? Oui, mais pas tellement. Nous étions rencontrés, je sais pas, 2 ou 3 fois pendant une heure ou deux. Pourquoi ont-ils accepté de jouer ça? De jouer leur propre rôle si difficile de parents nourriciers? En grande partie, je pense, parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Mais parce que ce sont des personnages assez extraordinaires et qu'ils, dans la mesure de leurs possibilités, ils sont prêts à faire n'importe quoi s'ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire ou qu'ils se sentaient peut-être en confiance avec moi. Et il n'y a vraiment jamais eu aucun problème sur ce oui. plan. Est-ce que vous avez présenté votre film aux gens qui ont tourné oui, dedans? Oui. Quelle était leur réaction? Ils sont contents, comme tous les amateurs qui se voient à l'écran, exactement comme s'ils avaient tourné du 8 mm. Bon, et puis là, en plus, ils ont le plaisir de se voir pendant au moins une heure, sur une heure et demie de film. Mais après cela, je pense que, sincèrement, ils ne doivent pas tellement aimer ce film. Ils préfèrent une émission télévision écrite d'une façon très conventionnelle. Ils sont habitués à ce langage. Il y a quand même, je crois, dans le film, une écriture qui ne peut que les surprendre et qui ne les capte pas avec autant de force que ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision. Il faut pas oublier que ce sont des gens qui ne vont plus au cinéma. Hein. Bien sûr. Je peux citer une anecdote, si vous le permettez. J'ai fait moi-même des sons seuls qui manquaient, très peu d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas tellement dans le film. Et en particulier, il me manquait le son que l'on entend quand le gosse est dans son lit et on entend un remue-ménage au rez-de-chaussée, c'est-à-dire la grand-mère est morte et la tante arrive, on les entend s'exclamer. Eh bien, j'ai fait ça moi-même, j'avais monté mon agra et mon micro au premier étage et je leur ai donné quelques indications, bouger des chaises, dites 2-3 phrases et tout. Et quand je suis redescendu après avoir coupé le son, il continuait la scène et il y avait les enfants de l'assistance publique qui étaient chez eux, qui étaient assis sur une chaise, qui étaient pliés en deux de rire parce qu'ils avaient absolument joué la scène en bas. Il y a un élément tout de même qui apparaît dans tout cela, c'est le choix d'une direction. Est-ce que ce film est une exception pour vous ou est-ce que vous avez l'intention de vous tenir à ces principes? Je n'ai pas l'intention de m'y tenir, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. J'y reviendrai et puis j'espère que j'évoluerai parce que vraiment l'étiquetage du film en tant que documentaire m'ennuie beaucoup parce que les spectateurs qui voient ce film ne voient pas un documentaire, c'est manifeste, il suffit d'aller voir leurs réactions. Ce ne sont pas les réactions que l'on a devant un documentaire, j'ai jamais eu l'impression que je faisais un documentaire. Et si vous voulez, puisqu'on a parlé de cinéma vérité et que je ne vais pas soulever ce lièvre ici parce que je crois que vous êtes d'accord avec moi que ça n'a rien à voir avec le cinéma vérité, je retiens seulement le mot vérité et la vérité, je ne peux pas m'empêcher de la filmer. On me dit souvent, mais vous êtes du Nord, vous avez vécu dans cette région, je ne connaissais pas le Nord avant de tourner ce film. J'ai eu l'espoir à un moment de tourner un film en Turquie, évidemment il aurait été avec très peu de dialogue, mais je crois que si j'avais tourné ce film, en revenant on m'aurait dit, mais vous êtes turc ou vous avez des parents turcs. Et je crois que c'est quand on tourne quelque part, ce que je ne comprends pas, c'est comment peuvent faire les autres pour qu'on ait absolument... pas rien, mais si peu de choses du lieu ou des personnages où ils ont tourné. Bon, je crois que pour rester fidèle à votre esprit de vérité, nous n'allons pas tricher. Claude Chabrol vient d'arriver et je pense qu'il peut prendre le train en route. C'est très gentil à lui d'être venu soutenir son ami Piala. Claude Chabrol, qu'est-ce qui vous attire dans un film comme L'Enfance nue? Eh bien, paradoxalement, ça n'est pas spécialement ni le milieu ni l'enfant, mais ce que je trouve absolument fascinant, c'est le ton. Ce qui m'a frappé, c'est la distance exacte qu'il y avait vis-à-vis des personnages et qui est la bonne, enfin, qui n'est pas telle qu'on s'en rapproche trop pour que ça devienne bêtement mélodramatique, qui n'est pas telle qu'on en soit trop loin pour qu'on les observe comme des animaux. C'est une distance d'être humain Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et en plus, ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que, avec cette distance qui est vraiment une distance d'homme, en même temps, il y a un effort, une réussite de style. Vraiment, je pense à Bresson, alors que c'est complètement différent, mais j'y pense tellement c'est aussi fort, ça a de la force et de la puissance. Et je ne pense pas désormais qu'on pourra. D'ailleurs, je crois que ça sera très bon. Je crois qu'on ne pourra plus faire des films sur des enfants maintenant. Tout le monde ne pourra plus les faire comme on les faisait autrefois, parce qu'il y a une espèce de jauge qui est arrivée, comme ça, une espèce de vérité, d'honnêteté, d'absence de tricherie, qui remet les choses à leur place, enfin, une fois pour toutes. Je me souviens d'un seul coup que vous êtes venu une fois, il y a quelques années à notre émission, défendre l'As de pique, oui, de Forman. Oui, oui, oui. Alors, ce qui me frappe, c'est que vous défendiez il y a quelques années, comme ça, avec tant d'ardeur, L'enfance nue de Piala et L'As de pique de Forman. Est-ce que ça correspond à quelque chose chez vous? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de rapports entre Forman et Piala. Je, personnellement, sans rien enlever à L'As de pique, je ne brûle pas ce que j'adorais. Mais enfin, je trouve que l'effort et le résultat de Maurice est en définitive beaucoup plus fascinant et beaucoup plus enrichissant. Disons que Forman avait des éléments pittoresques encore, enfin. Alors que chez Maurice, il n'y a plus de pittoresque, il n'y a plus que la vérité. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression que ce film est emmerdant. Parce que oui, parce que ce sont des qualités qui ont l'air comme ça négatives. Si ça n'est pas ci, ça n'est pas ça. Mais, quand tu dis que c'est bressonien, mon vieux, c'est... Oui, c'est ça. Mais alors, imaginons justement un effort de style entièrement vers le... Je ne crois pas qu'il y ait un spectateur de ce film qui ne l'ait pas aimé. Et non seulement ça, mais qui n'ait pas été... passionné du début à la fin, parce que c'est absolument passionnant. L'ennui, c'est que quand on le résume, effectivement, c'est peut-être la raison du fait que le film n'a pas attiré des foules, quand on le résume, on n'a pas envie de le voir. Alors que quand on le voit, on a envie de le revoir. Par exemple, je peux vous dire une chose, sur le nombre de clients qui ont vu ce film, moi, je connais au moins 10 personnes qui l'ont vu 3 fois, c'est-à-dire... qu'il y a eu moins de spectateurs que Maurice le pense, parce que il y a eu plus de visions. Il y a beaucoup de gens qui le voient plusieurs fois. Et ça, c'est merveilleux. Et il y a une autre chose qui est merveilleuse. C'est une vieille théorie, c'est que le seul intérêt d'un film, c'est de permettre d'en faire d'autres. Et que ça existe pour ça. Et ce qu'il y a de beau, c'est que le film de Maurice, qui n'a pas un énorme succès, va lui permettre d'en faire des quantités, parce que c'est le non-succès commercial qui est le plus gros succès que je connaisse. Enfin, parce qu'il n'y aura pas un producteur qui sera assez salaud ou assez bête, ou un distributeur qui sera assez loin de ses sous, car il pense toujours à l'argent, pour dire « Votre film n'a pas très bien marché, vous n'en ferez pas d'autre. » Au contraire, on dira « Votre film n'a pas très bien marché, nous allons vous donner tous les moyens d'en faire un qui marche. » Maurice Piala, est-ce que vous avez des projets? Oui, oui. Le projet suivant, c'est un scénario qui était écrit en même temps que L'enfance nue, enfin, quelques temps après, mais il était prêt lorsque j'ai tourné L'enfance nue. Et je regrette de vous décevoir, ça ne sera pas dans un milieu de la province française, ça sera dans un milieu parisien. Et aussi dans un milieu cinématographique. Je souhaite parler aussi juste du milieu cinématographique que je connais mieux que le milieu du Nord. Et la vérité peut être là, si je garde certains atouts qu'il y a dans celui-ci, risquera de surprendre. Mais enfin, là, il sera évidemment plus difficile de coller l'étiquette de documentariste, je crois. Quelle intention avez-vous Je vais le tourner, je l'espère, exactement comme celui-là. Mais c'est à 3 personnages, c'est une histoire d'amour apparemment bien conventionnelle et je souhaite que la vérité éclate. C'était « Connaître le cinéma » par Philippe Hainaut et Jean Mitry. Aujourd'hui, « L'enfance nue » de Maurice Piala. Avec les réalisateurs Maurice Piala et Claude Chabrol, et les critiques Bertrand Tavernier et Jean-Paul Tereuc. Assistante de réalisation Annie Cœur-Devet. Cette émission a été diffusée la première fois, le 15 février 1969, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.